Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il ne faut pas confondre les stades avec des piscines. Et cependant, certains stades prennent l'eau. C'est notamment le cas du Stade de France. C'est une histoire d'amour débutée en apothéose un soir de juillet 98. Le Stade de France et le sport français, c'est une relation riche en émotions, mais c'est une relation qui a un coût. Depuis sa construction en 95, ce sont près de 800 millions d'euros d'argent public qui ont été engloutis. Une situation qui pousse l'État à envisager l'hypothèse d'une vente, une hypothèse loin d'être évidente. Il y a un seul problème avec la vente, c'est qu'il faut un acheteur. Et que j'ai beau me poser la question depuis quelques temps, je ne vois pas d'acheteur. Parce que je ne vois pas un acteur isolé qui aurait le modèle économique qui pourrait permettre de faire tourner l'infrastructure. L'objectif est très simple, c'est que le Stade de France ne soit plus un boulet, comme ça a été le cas un peu par le passé, notamment pour le football, mais qu'il devienne un vrai levier de développement économique. Un État qui veut limiter son engagement et les dépenses publiques. Des fédérations pour le moment hésitantes, le dossier sur l'avenir du Stade de France n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Le gouvernement s'est donné jusqu'à 2022 pour le temps de la réflexion. Bonjour Jean-Pascal Gaillan. Bonjour. Vous êtes économiste du sport et professeur à l'Université du Mans. Vous avez également publié Microéconomie chez Duno. Expliquez-nous pourquoi ce stade, le Stade de France, qui est si prestigieux et si cher à nos mémoires françaises, eh bien pourquoi ce stade perd de l'argent ? Alors, ce stade ne perd pas véritablement d'argent. C'est les termes de la convention qui a été signée par l'État avec, à l'époque, Société Générale des Eaux, donc devenue Vinci et Bouygues, qui font que le contribuable a payé beaucoup plus ce qu'il aurait dû. C'est pas lui qui en perd, c'est nous qui n'en gagnons pas. Voilà, c'est même pire, hein, c'est nous qui sommes amenés à financer un peu ces grands mastodontes du BTP, puisque donc il y a, dans les termes de la convention, en particulier une indemnité pour absence de club résident, qui a coûté très longtemps, donc jusqu'en 2013, beaucoup d'argent à l'État, qui avait en plus été le contributeur majoritaire au moment de la construction. Il faut comprendre que c'est un système particulier. L'État a apporté un peu plus de 50% du financement pour la construction du stade à partir de 95. Et le consortium formé par Vinci et Bouygues a apporté l'autre partie, mais a obtenu la concession, donc l'exploitation pendant 30 ans de ce stade, avec donc la capacité à réaliser des bénéfices. Et ce consortium a longtemps fait des bénéfices, tout en ayant en plus un petit supplément versé par l'État parce qu'il n'y avait pas de club résident, au titre de l'idée que s'il y avait eu un club résident, ils auraient gagné encore plus d'argent. Donc c'est un peu une convention discutable. Elle a été signée par Édouard Balladur entre les deux tours des élections présidentielles de 95, et on a quand même, beaucoup de gens ont estimé que ça avait été fait d'une manière un petit peu à la sauvette, dans des conditions discutables pour le contribuable. Alors, comment ça se fait et comment en est-on arrivé là, Jean-Pascal Gaillan ? Alors, d'abord, c'est une chose particulière, le Stade de France. C'est l'État qui en est propriétaire. Un stade de propriété d'un État, c'est quelque chose qui est très rare, sauf peut-être en Corée du Nord. Donc, on est dans quelque chose qui dépasse le cadre des stades traditionnels. On va dire, il y a un outil ici qui est aussi destiné à la présence des équipes nationales, donc de football et de rugby. Donc on est dans quelque chose qui est lié au prestige, qui est lié à l'influence de la France, qui est lié à son impact. Donc on peut comprendre que l'État participe au financement d'une infrastructure comme celle-ci, hein, au même titre qu'un grand musée, qu'un opéra, etc. Alors là où les choses sont un peu évidemment compliquées, c'est que ce stade aurait aussi pu être le stade accueillant un club résident de football ou de rugby, et il y aurait eu une exploitation commerciale qui aurait rendu finalement la facture un peu moins élevée. Aujourd'hui, il n'y a pas de club résident, au sens d'un club d'une ville, hein, comme le Paris Saint-Germain aurait pu l'être, mais si on en revient à cette question, on comprendra pourquoi Paris n'a pas voulu. Et cette absence de club résident, non seulement est on va dire, quelque chose qui n'est pas en faveur de l'exploitant, parce qu'on n'a que très peu de rendez-vous par an, mais en plus, eh bien, effectivement, les termes de la convention disposaient que le contribuable allait financer. Donc c'est un statut un peu particulier parce que on a à la fois la présence de l'État qui peut se comprendre. On n'a pas, comme pour n'importe quel stade de grande taille, eh bien, une activité récurrente tous les 15 jours liée à un club de football ou de rugby professionnel. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type d'équipement soit rentable? Parce que il faut dire les choses, maintenant ce stade il existe, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on aurait dû s'y prendre à deux fois avant de décider de lancer sa construction, Jean-Pascal Gaillant? Alors, il y a deux questions. D'abord, la question est-ce qu'il est possible d'avoir un stade rentable? Ça existe, des stades rentables. Ça existe en Allemagne, ça existe au Royaume-Uni. Les Anglais ont, dans plusieurs stades de Londres, Manchester, des stades privés qui sont exploités d'une façon rentable parce que, d'abord, les places sont chères, mais aussi qu'on a diverses prestations. D'abord, on optimise toutes les prestations de restauration et les prestations VIP. On peut construire un hôtel aussi à côté ou d'un musée. Tout un tas d'éléments qui vont rendre l'équipement rentable. Et c'est pareil à Munich, on a un stade qui est rentable également. En France, on a des stades qui sont en général financés par les collectivités territoriales et on n'a jamais vraiment réussi à avoir des stades rentables. Il y a une tentative actuellement qui est celle du groupe Amas Stadium à Lyon de construire un stade privé et puis de le rendre rentable, mais c'est extrêmement difficile d'avoir un stade rentable. C'est sans doute possible, mais bien entendu, il faut un club résident qui soit un club de haut niveau, qui obtienne des résultats, qui conduise à ce que le stade soit rempli. Et si l'exploitation est conduite de manière un peu subtile, appropriée, il n'est pas impossible de rendre un stade rentable. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a pas la présence d'une équipe de football ou de rugby qui serait d'un niveau et qui serait volontaire pour être dans ce stade, jouer dans cette enceinte. Il ne faut pas oublier que 80 000 places, c'est très grand. Hein. Pour avoir une idée très qui figure bien les choses, la Juventus de Turin, qui est un club très prestigieux, un des 10 meilleurs clubs ou même peut-être 5 meilleurs clubs européens, des franchises mondiales du sport, évoluait dans un stade qui était le stade communal de Turin, qui était un stade de plus de 60 000 places, c'était quelque chose qui ne permettait pas au club de gagner de l'argent. Ils ont choisi de construire un stade à eux, qui s'appelle le Juventus Stadium, qui n'est que de 41 000 places, qui est beaucoup plus petit, qui est plein chaque fois, et qui leur fait gagner de plus en plus d'argent. C'est des dizaines de millions d'euros maintenant que gagne chaque année la Juventus de Turin par l'exploitation de son stade. Donc on est dans quelque chose où le big n'est pas nécessairement beautiful. Un stade de 80 000 places, c'est très compliqué. Et le Paris Saint-Germain, disposant d'un stade déjà dans Paris, même si c'est vraiment sur le périphérique, a préféré demeurer dans un stade de 45 000 places plutôt que d'aller dans un stade de 80 000, plus lointain, qu'il n'aurait pas rempli et qu'il aurait, dans les conditions actuelles des termes de la convention d'exploitation, qui ne lui aurait pas permis de gagner de l'argent et même peut-être aurait conduit à ce qu'il ait des moins-values en jouant au Stade de France. Donc aujourd'hui, à la fois les conditions de la convention d'exploitation et l'absence de club de résidents qui serait sans stade à Paris fait que il y a pour l'instant pas d'issue. On ne peut pas rendre ce stade rentable. Après, je termine juste sur l'autre élément de la question que vous posiez. Est-ce qu'il ne fallait pas signer en 95 une convention? Il aurait sans doute fallu signer la convention dans d'autres termes et peut-être, on va dire, mieux penser l'exploitation du stade par la suite. On a fait le pari sans doute qu'il y aurait un club résident. C'était un pari qui était quand même un petit peu aléatoire et qui s'est pas avéré pertinent. Mais on a l'impression quand même, Jean-Pascal Gaillant, que les stades sont des équipements que les villes veulent, puisqu'on voit bien que sont des équipements particulièrement prisés par les municipalités, mais au bout du compte, ils sont difficiles à rentabiliser. Alors j'ai l'exemple du stade Pierre Moreau à Lille, l'exemple du stade Matmut Atlantique, ça c'est à Bordeaux, avec à chaque fois des déficits. Alors tout dépend du montage financier, mais ces stades ont bien du mal à être rentabilisés. Oui, ces stades ont du mal à être rentabilisés, d'abord parce que bon, ce sont des coûts de construction qui sont élevés, et puis le stade, il faut l'amortir malgré tout sur un nombre d'années relativement restreint, il faut dire peut-être 20, 25, 30 ans. Alors 30 ans, c'est les durées généralement d'exploitation. Il faut pour que l'exploitant puisse à la fois avoir, d'une certaine manière, les mains libres dans l'optimisation des recettes qu'il va pouvoir obtenir hein, sur la base de diversification de son activité, sur la base de, on va dire, de la montée en puissance des prestations VIP. Encore faut-il qu'il y ait une demande pour ces prestations. Encore faut-il qu'il y ait une affluence au stade qui soit soutenue, qui ne connaisse pas des hauts et des bas. Et là, bien sûr, ben, on tombe sur la question de l'aléa sportif. Tout le monde ne peut pas être en même temps tout en haut de oui. classement du championnat, tout le monde ne peut pas jouer la Coupe d'Europe, donc il y a forcément des gagnants et des perdants. Donc pour quelques clubs qui vont réussir à avoir le succès sportif et le succès populaire, eh bien d'autres vont être dans des circonstances qui sont moins favorables. Donc oui, il y a un jeu qui n'est pas un jeu à somme nulle, il y a un jeu qui a somme sans doute négative, et avec peut-être l'identité de ceux qui vont y perdre des plumes qui changent d'une période à l'autre, mais il y aura des perdants. Il n'en demeure pas moins que les villes souhaitent avoir ces équipements parce que c'est un élément de prestige. C'est aussi un élément de sentiment d'appartenance à la ville ou au territoire. C'est un élément fédérateur et on ne peut pas négliger cette dimension. Donc ça peut être un coût de garantir la cohésion d'un territoire, de sentiment d'appartenance à une ville ou à une communauté urbaine. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément quantifiées, mais cela peut expliquer le fait que les collectivités acceptent de s'engager sur des conventions qui peuvent se terminer par finalement des ardoises assez importantes. Alors, quelle solution ? Ah, quelle solution ? D'abord, être peut-être très bon dans le dimensionnement des stades. Mmh. Je pense au projet qui existe avec en marge donc du club du Stade Brestois. Alors, c'est le club lui-même qui veut, et c'est sans doute une des bonnes solutions, qui veut être propriétaire de son stade, qui veut construire son stade, qui veut complètement déterminer les caractéristiques de ce stade. Et le Stade Brestois veut faire un stade de 13 000 places, ce qui peut paraître peu, mais qui est en fait tout à fait pertinent au regard du bassin économique. Et avec un stade qui serait fait, conçu par le club, avec toutes les opportunités pour le club d'exploiter, il y a sans doute la capacité à faire une infrastructure rentable. Donc le dimensionnement, et puis aussi savoir qui est l'acteur principal. Alors il y a en fait deux éléments, parce que à la fois les clubs seraient désireux d'avoir la pleine possession du stade et d'avoir les mains libres pour optimiser l'exploitation du stade, mais en même temps les clubs ne sont pas toujours des grands professionnels de l'exploitation de ce genre d'infrastructure. Hein, les clubs de football, leur avantage comparatif, c'est dans la production de joueurs et la production de spectacles sportifs. Donc, il faut trouver un modèle qui soit à la fois un modèle dans lequel le club détermine le mieux possible, c'est-à-dire le cahier des charges de l'enceinte, avec l'idée qu'il en est quand même principalement le décideur, mais il faut savoir aussi peut-être parfois déléguer certains des éléments de sa gestion à des gens qui sont des grands professionnels de ce genre d'activité. C'est sans doute ça la voie. Donc des stades effectivement propriété privée ou pour lesquels c'est le privé qui prend les risques, et ensuite dans cette réalisation bien dimensionnée, éventuellement aussi faire appel aux bonnes compétences pour ne pas faire d'erreurs comme celles qu'on a pu rencontrer dans le passé et qui conduisent à des catastrophes financières. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant avec le Stade de France, le transformer en hypermarché, je ne sais pas, en bibliothèque, si on le recouvre ? Alors, pour l'instant, effectivement, personne ne sait vraiment comment faire. Alors, d'abord, le Stade de France, il peut continuer à exister pour accueillir les équipes de France et de rugby. L'équipe de rugby, de France de rugby, s'est sentie otage hein, de cette obligation qu'elle a de jouer au Stade de France. Mais effectivement, cela reste quelque chose qui est imparfait, c'est un modèle qui fonctionne pas, et il faudrait trouver un club résident. C'est une des solutions. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne se décrète pas un club résident qui serait un club supplémentaire en football ou en rugby de très haut niveau et qui drainerait chaque quinzaine 80 000 spectateurs. Donc oui, on est dans une situation qui pour l'instant ressemble un peu à une impasse. Donc il faut trouver des voies d'amélioration. Je n'ai pas la clé. Simplement, ce qui semble important à dire, c'est que dans la perspective de ces constructions de stades. Il ne faut pas multiplier les stades, comme était un peu l'objectif de la Fédération française de rugby il y a 2 ans, qui voulait construire un autre stade de 80 000 places en région parisienne. Ça, je pense que ce serait une absurdité, à combien même je comprends la frustration de la Fédération française de rugby. Mais il faut au contraire aller vers des dimensionnements qui soient mieux pensés et une utilisation avec des complémentarités. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la rentabilité des stades, penser des activités complémentaires. Alors effectivement, ça peut être lié à des activités de centre commercial, pourquoi pas. Faut pas se voiler la face. La mise en place d'un musée, la mise en place d'une zone qui serait une zone d'attraction au sens très large du terme, des hôtels ou un hôtel de luxe, des choses comme ça qui peuvent être insérées dans le stade. Oui, toutes ces pistes-là peuvent être envisagées, mais attention, il faudra que l'État soit extrêmement vigilant sur qui réalise cela et dans quelles conditions l'État, on va dire, délègue à des opérateurs privés cette exploitation et qu'il n'y ait pas de clause qui soit manifestement trop défavorable à la collectivité, aux contribuables. Merci Jean-Pascal Gaillan de nous avoir éclairé sur le sort incertain donc du Stade de France. Je rappelle que vous êtes économiste du sport, professeur à l'Université du Mans et vous avez notamment publié un ouvrage consacré à la microéconomie chez Duno. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Jean-Frédéric à la technique et surtout ruiné par David Jacoboviez à la réalisation. Superfell.